tempête. Le vent s'est calmé. Arrêtez. Pas un oiseau. Pas une feuille. Rien ne bouge. Tout est figé. Comme une toile. À l'instant T. Ce sont barrés.